Non, il faut dire que ce ne sont pas des réseaux professionnels finalement qui nous fait venir ici, tout compte fait. C'était pas le profil, le poste tel qu'il était décrit, c'était quand même assez attirant, mais finalement ça ne correspond pas du tout au travail. Ou les deux postes étaient décrits comme de linguistique appliquée. Il est certain que du point de vue travail, on regrette beaucoup ce qu'on faisait au Burundi. Enfin, moi je regrette ce qu'on faisait au Burundi, on avait un travail qui nous passionnait vraiment. Moi ici. Alors, disons effectivement que lorsqu'on s'est inscrit, on s'est renseigné un peu sur le Liban, puis au mois de mars, quand on s'est renseigné, alors là, on a eu la tarte à la crème habituelle, le Liban, c'est un paradis, c'est le pays de rêve, en faisant de considération, la vie n'est pas chère. Vous pourrez à la plage le matin, enfin, au ski le matin, à la plage après-midi. On n'était pas très fixé sur le travail qu'on allait y faire. Ça, c'était l'information que vous avez eue dans les milieux officiels ou par des... Par des gens qui, justement, par cette femme dont on parlait tout de suite, là, qui est une Libanaise presque, enfin qui a vécu toujours au Liban, et puis par des gens qui connaissaient un peu, des gens qui, enfin au consulat aussi, le consul qui avait été en Syrie, donc qui connaissaient un peu le Liban. Alors, ils avaient fait une espèce d'image un peu, enfin très rose même du Liban, le Liban francophile, le Liban francophone, le Liban culturel, le Liban ceci, le Liban cela. C'est exactement la même chose qu'à Madagascar, les Madagascar sont francophiles, en fait. Oui, avec toutes les illusions que ça comporte. Et alors, on nous avait fait également, nous, ce qui nous plaisait un petit peu aussi, c'est parce que comme 4 ans d'Afrique, c'est quand même assez difficile. Et il y avait précisément la perspective de pouvoir voir les filles en même temps qu'à Paris, d'avoir un tas de spectacles. Enfin, on racontait n'importe quoi. Oui, c'est pas vrai.